Chapitre 33e. Dutilleul et Bellegarde regagnèrent le commissariat en début d'après-midi. Patricia Martineau regarda Dutilleul d'un œil surpris. Le changement de costume ne lui avait pas échappé, mais surtout, elle nota qu'il était bien pâle. Aussi se garda-t-elle du moindre commentaire. « Patricia, pourriez-vous demander si Henri peut me recevoir? J'aimerais faire un point improvisé avec lui. Bien sûr. Voulez-vous un thé ?» Je viens d'en boire un, mais la réflexion, un second ne serait peut-être pas du luxe. » À vrai dire, Dutilleul se sentait un peu plus détendu, mais toujours pas vraiment dans son assiette. « Si vous voulez, » dit Patricia, toujours fine mouche, « il reste quelques biscuits aux écorces de citron. »« Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. J'appelle tout de suite Monsieur Castex. » Dutilleul retrouva son bureau avec un certain soulagement. La pièce était certes un peu défraîchie, mais il l'aimait bien. Même si la peinture s'écaillait un peu par endroits, il la trouvait tout de même plus chaleureuse que les locaux ultramodernes de CM Process. Dutilleul mit l'eau à chauffer et s'enfonça avec reconnaissance dans son fauteuil. Il se sentait banné et un peu embarrassé de ne jamais parvenir tout à fait à contenir ses montées de révolte. Mousseron l'avait profondément déstabilisé. Dutilleul n'avait jamais supporté la méchanceté gratuite, et l'absence totale de sensibilité de son interlocuteur l'avait heurté plus encore. Le grand con aurait certainement un malin plaisir à étudier Mousseron, mais pas lui. Patricia frappa discrètement et entra. « Monsieur Castex descend dans quelques minutes. »« Il ne fallait pas qu'il se dérange, » répondit Dutilleul d'une voix lasse. « Je n'ai pu l'en dissuader, monsieur. Croyez bien que j'ai essayé, mais il n'a rien voulu entendre. » « Que vous a-t-il dit ?»« Qu'il pouvait encore descendre deux escaliers pour venir converser avec vous. »« Que lui avez-vous dit ?»« À quoi vous attendiez-vous ? Que votre teint est resplendissant ?»« Ce matin, vous portiez votre costume gris foncé qui sortait du pressing. Je l'ai noté parce que le pli du pantalon n'était pas encore froissé. »« À présent, vous voici dans un costume gris perle que je ne vous ai jamais vu même s'il vous va très bien. » Si Bellegarde ne vous avait pas accompagné à un rendez-vous avec un certain monsieur Mousseron, j'aurais pu conclure que vous avez eu un désir si soudain de compagnie féminine que vous vous êtes arrêté chez la belle Mado. Cependant, comme je vous vois toujours escorté de Bellegarde, j'en viens à conclure que c'est tout à fait autre chose. Vos yeux ont cette nuance métallique que je ne leur aime pas, car c'est toujours le signe que vous avez eu une très grosse contrariété, ce dont le costume du jour a visiblement fait les frais. J'espère au moins que vous ne lui avez pas arraché une manche. « Patricia, » dit Dutilleul en souriant faiblement, « on ne peut rien vous cacher très longtemps. Un jour, vous finirez par prendre ma place. Sachez, monsieur, que je vis dans cet espoir insensé. » Soudain, le ton se fit plus grave. Il était vraiment si terrible, ce Mousseron. Dutilleul répondit, non sans difficulté, « c'était en effet assez horrible. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'Henri Castex. Patricia s'éclipsa discrètement. « Oh, toi, ça ne va pas. Patricia a bien fait de me prévenir. Tu n'es pas content parce que tu ronges ton frein. » Alors comme ça, les conclusions de notre estimé Gavrard étaient les bonnes. Le bonhomme, si antipathique soit-il, n'a vraiment rien à voir dans notre affaire. Tu le savais. Évidemment, mais il était inutile que je t'interdise de le rencontrer car tu l'aurais vu quand même. Tu n'en aurais fait qu'à ta tête. Pourtant, crois-moi, je pressentais que cela allait se finir ainsi. Le portrait dressé par Gravard n'était déjà guère flatteur. Te connaissant, je parie que tu en as rendu tripes et boyaux. Pauvre imbécile. Tout ça pourquoi ? Me montrer que Mado t'a acheté un nouveau costume ? Henri, s'il te plaît, dit Dutilleul en essayant de sourire. Ah non, mon grand ! Tu vas me faire la politesse, sinon le plaisir, de m'écouter jusqu'au bout. Je devrais te mettre au repos, rien que pour t'apprendre à vivre. Crois-tu que je vais accepter que tu te massacres sans réagir? Les bêtes malfaisantes comme ce Mousseron, il faut les convoquer au poste, comme le plus vulgaire des malfrats. Crois-moi, Titi, ils ne sont pas différents de notre gibier habituel, en dehors du fait que l'emballage coûte un peu plus cher. Même le pire des criminels a droit à plus de considération de ma part que ce genre d'énergumène, un but sans pouvoir. Pourquoi ne pas m'avoir mis en garde ? Protesta Dutilleul faiblement. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien. Tu as un mur devant toi. Tu sais pertinemment qu'il est plus costaud que toi, mais ça n'y fait rien. Tu t'y précipites la tête la première, en refusant surtout d'admettre que cela puisse faire mal. Je donnerais tout pour coincer ce salopard, et dis-toi bien qu'on ne va pas le lâcher maintenant qu'il a touché le gros pactole. Il finira bien par faire une connerie. Ils en font tous. Mais je ne permettrai jamais que cela me coûte mon meilleur enquêteur. Dutilleul considéra Henri Castex avec une surprise non feinte. « Tu es vraiment fâché ?»« Bien sûr que je suis fâché. Crois-tu que cela m'amuse de te voir perdre ton temps ?»« Tu veux savoir où est ton problème, Titi ?»« Tu ne sais plus quoi penser. Tout le monde s'est montré si franc. »« Pourtant, tu n'en nages pas moins en plein brouillard. Où t'es-tu perdu exactement ? Qu'est-ce qui t'a fait perdre le fil ? Où es-tu sorti de la route ? Tu possèdes déjà quelques pièces du puzzle, mais celle-ci s'entête à ne pas s'emboîter. Belle affaire que la franchise ! C'est tellement séduisant, tellement facile. Comprends bien, Titi, qu'on t'installe d'entrée dans la position du cheval qui suit un parcours bien balisé. Généralement, rien ne dépasse, et la main sur le cœur vient compléter le décorum. Tu te sens confiance, alors même que tu n'en es que plus vulnérable parce que on te manipule comme on veut. Tu veux voir jaune, on t'indique de bonne grâce où se trouve le jaune. Tu désirais voir le vert, pas de problème, on n'a rien à cacher. Seulement, à ce petit jeu, tu en oublies vite le schéma général. Tu es submergé par les détails. Tu pressens que certains sont importants, mais tu ploies sous le trop-plein d'informations. La vérité est que tu ne parviens plus à faire le tri, alors qu'en fait, tu te fais avoir jusqu'à l'os. Franchise n'est pas vérité, Titi. Si on te sert la soupe, assure-toi auparavant que tu tiens solidement le manche et que c'est toi qui manœuvre la cuillère. Tu dois pouvoir dire stop à tout moment. Tu es le maître de l'enquête et tu dois le demeurer. Ce n'est pas parce qu'on te dit bleu que ça l'est forcément. Souvent, cela est vrai en partie. À toi de découvrir ce que l'on sait bien garder de te confier. Nous avons tous nos secrets honteux. Il est vrai que cela n'est jamais plaisant de devoir descendre dans la cuve à purin. Mais tu sais comme moi qu'il est souvent indispensable de nettoyer les écuries d'Augias avant de parvenir à y voir clair. Je pressens que dans cette affaire, il va sans doute nous falloir descendre particulièrement profond. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois en forme, pas démoli par la première ordure venue. Ce serait lui faire trop d'honneur. Ce mousseron mérite notre exécration, mais cela ne doit pas aller plus loin. Il faut que cela reste bien à la surface, au gras. Dès qu'on attaque la viande, ça commence à puer. Dutilleul eut alors un pauvre sourire. « Tu as raison, Henri. » « Je sais que tu as 100 fois raison. Tu es bien placé pour le savoir. »« Reprends-toi, » s'adoucit soudain Henri Castex. « Tu es déçu ?»« Même pas, bien au contraire. J'ai l'impression d'avoir encore beaucoup de choses à te transmettre. En fait, tu me fais le plus beau des cadeaux. Je me sens utile. Je ne veux pas que tu prennes connement une balle dans le bide, parce que tu sais, après, tu te sens vraiment minable. »« Nous ne sommes pas au champ de tir. » Tu veux faire des vérifications sur Mousseron ? Fais-les. Ça peut être intéressant. Qui sait ce que nous allons apprendre ? Tu veux que Bellegarde s'y consacre ? J'approuve. De toute façon, il fallait bien lui trouver une occupation. Mais pendant ce temps, s'il te plaît, fais le point. En commençant par remonter à la source. Ce dernier mot eut pour vertu de faire réagir Dutilleul. La source, parlons-en. Je dois contacter Jackie. Il faut que je retourne assez vite à Fleury, car ce cher Malik Boucharif a omis, certainement de façon tout à fait involontaire, de me parler de certaines petites choses. « Quelles petites choses ? » demanda Henri Castex, redevenu calme. « Eh bien, j'ai découvert 2 omissions et surtout un très gros mensonge, pour ne pas évoquer de la manipulation pure et simple. Tu avais parfaitement raison tout à l'heure, Henri. » Malik Boucharif m'a joliment mené en bateau sur un point précis. Marion Chardy n'a jamais demandé de compte concernant les bilans présentés par CM Process. Elle n'en a jamais eu l'intention, pas plus qu'elle avait celle de gérer elle-même sa fortune. Sur ce point, sans doute unique, elle s'en est remise à Mousseron, qui ne lui a pas caché qu'il la trouvait trop jeune. Il lui a suggéré de reconduire Maître Vérel dans ses fonctions de conseil et de gestion, ce que Marion s'est empressée de faire. Le conseiller était tout à fait sensé. Je ne le nie pas, et c'est sans doute la seule chose que je mettrai au crédit de Mousseron. Ensuite, le sieur Boucharif s'est surtout bien gardé de me dire qu'il avait fait acheter une énorme télé à Marion, alors que celle-ci n'en avait guère l'utilité. Je ne te cache pas que c'est cette omission qui m'ennuie le plus. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, le sieur Boucharif n'apparaît pas sous son jour le plus favorable, et que surtout, je retrouve le truqueur que j'ai trop souvent eu en face de moi. Une fois de plus, il m'a raconté des salades. Car même si je suis sûr qu'il ne va pas le reconnaître, il a bel et bien manipulé Marion Chardy pour arriver à ses fins. Il serait effectivement intéressant d'entendre ce qu'il a à dire sur le sujet. Quel est le troisième point ? Le scooter. J'aimerais assez qu'il me parle du vol. Crois-tu qu'il pourra t'apprendre quelque chose ? Je ne sais pas, mais je ne paie rien à essayer, du moins tant que je tiens le manche. Henri Castex sourit. Titi commençait à réagir et cela lui plaisait. Ce n'était pas de gaieté de cœur qu'il lui avait passé un savon, mais il connaissait son homme et, avec lui, mieux valait la thérapie de choc. Je vois que tu n'es pas autant dans les vapes que je l'avais craint. D'autres idées ? Oui. J'aimerais assez que des TIC, des techniciens d'identification criminelle, me fassent un relevé d'empreintes sur la fameuse télé. Vérel doit me conduire au garde-meuble. Ça peut effectivement s'organiser, mais d'ici 2-3 jours. D'ici là, tu te reposes, d'accord ? D'accord. Bellegarde t'a parlé, n'est-ce pas ? Tu lui as fait peur, grand couillon. Tu le connais. Il fallait que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Il est donc venu te voir ? Faux. Je l'ai simplement croisé à la machine à café. J'ai tout de suite vu qu'il n'était pas dans son assiette. Je peux tout de même aller à Fleury ? Oui, ça te fera prendre l'air. Cependant, j'ai une dernière chose à te dire. Vas-y, je crois que je suis prêt à tout entendre. Il va falloir te résoudre à faire ce que Gravard n'a pas fait. C'est-à-dire ? Aller fouiller du côté des Boucharif. Dutilleul se redressa sur son fauteuil. Pourquoi ? N'a-t-il pas été établi que Malik Boucharif n'avait rien à voir avec le meurtre de Marion Chardy ? J'ai lu le dossier comme toi, Titi. Néanmoins, on ne peut pas se permettre de négliger cette piste. Je connais par avance ta réponse, mais là, je ne partage pas ton sentiment. Ce n'est pas de l'acharnement. Tu te dois simplement de faire ton boulot. Qui dit Boucharif dit vérification de base et ne me dis surtout pas que tu connais l'histoire par cœur, car dis-toi qu'on ne la connaît jamais assez. Je sais que c'est dur, Titi. Je sais, tout comme toi, que Saïd et Latifa Boucharif sont de bien braves gens. Je connais, comme toi, les raisons qui les ont poussés à fuir l'Algérie. Mais mieux, si je m'étais retrouvé dans la situation de Saïd Boucharif, j'aurais fait exactement la même chose, sans hésiter une seconde. D'un autre côté, je ne peux tenir pour rien le fait que les enfants Boucharif n'ont cessé de franchir la ligne jaune, raison pour laquelle ils sont passés un certain nombre de fois entre nos mains. Je t'accorde qu'ils ne représentent pas du gros gibier, mais ils ne font pas moins partie du menu fretin, même si c'est vrai, ils se sont un peu calmés ces dernières années. Dutilleul poussa un gros soupir, tant cette tâche-là lui répugnait. C'était tellement simple de toujours taper sur les mêmes. Certes, les enfants Boucharif n'étaient pas des anges, mais de là à les accuser de tous les péchés de la terre, c'était un pas que Dutilleul se refusait obstinément à franchir. « Je voulais tellement l'éviter, » dit-il, sincèrement malheureux. « Moi aussi, si tu veux tout savoir, mais tu n'auras jamais une image complète si tu ne le fais pas. » Je suis persuadé qu'il me manque un élément. Quelque chose qui est sous mon nez et dont pourtant je ne parviens pas à saisir toute l'importance. Une équation mal posée, en quelque sorte. Très certainement. C'est le cas 9 fois sur 10, mais inutile de te mettre martel en tête. Tu sais comme moi que les choses finissent toujours par sortir. Puis-je à mon tour te poser une question ? Je t'écoute. Comment as-tu su que Mado a acheté mon costume ? Pour la première fois de l'entretien, Henri Castex rit franchement. Parce que dans ce domaine précis, et rassure-toi, c'est bien le seul, je te considère comme un inadapté social. Quelle est la dernière fois où tu as mis les pieds dans un magasin autre qu'un pressing ou une boulangerie ? Dutilleul rougit involontairement. Il est vrai qu'il avait les magasins en horreur. Aussi y passait-il le moins de temps possible. C'est pourquoi il était si heureux de s'en mettre à Gloria Ortiz pour effectuer les achats quotidiens.